Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à l'aérospatial. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, Myriam Leland au micro, accompagnée de ma co-animatrice Annie Charlent-Thibodeau. Bonsoir Annie. Bonsoir. Donc Annie, ce soir, tu fais ton baptême de la console pendant qu'on est en ondes. Tout à fait. Tu vas voir, tu vas être bonne. qu'est-ce qu'on a ce soir à l'émission? On a un beau programme. Oui, t'as bien raison. Donc en début d'émission, en fait, nous discutons avec l'artiste Alissa Bilodeau. Qui nous offre, qui va nous parler de son exposition, l'exposition Biome, qui est présentée au Centre Materia. On reçoit aussi le chroniqueur Vincent Lauzé pour une première chronique, qui va nous offrir un compte-rendu de l'exposition État d'esprit, qui est présentée à la galerie Michel Guimond. Et puis, pour conclure le tout, on vous présente le projet Téléchevreuil, qui s'inscrit dans la programmation du Centre Regard, dans le cadre d'un entretien avec l'artiste Boris Duménil-Poulin. Oui, donc un très beau programme, comme on disait. Et ce soir, Simon Roy nous a sélectionné une artiste pour écouter pendant nos pauses audio. Donc, c'est Salomé Leclerc, qui est une auteure, compositrice, interprète de Montréal. Donc, ce soir, on écoute des pièces de l'album « Mille ouvrages, mon cœur », paru le 8 octobre dernier. On se laisse déjà avec la piste « Anyway ». Et au retour de la pause, on s'entretient avec Alissa Bilodeau. Facile de ne rien se promettre. C'est pas étrange qu'on ne suive pas le plan à la lettre. Les rivières vont couler si ça doit être ça. Facile de t'écrire que d'y être. Quand même étrange de ne pas être là pour ta fête. Les jardins sur ma terre font oublier l'hiver. Thank you. c'est plus facile, mais là on fait. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, toujours accompagnée de ma co-animatrice Annie Charland-Thibodeau, et on a une troisième personne avec nous de l'autre côté de l'écran, Alissa Bilodeau, bonsoir! Salut, F2! Salut! Donc, Alissa, on avait envie de te recevoir ce soir parce que tu as une exposition solo à Materia ces temps-ci qui s'intitule « Biome », où tu présentes des pièces avec tout plein de méthodes différentes. Et tu es une toute jeune diplômée de l'École des métiers d'art aussi. Donc, d'abord, félicitations pour ton exposition solo, comme ça, à la sortie de tes études. Ben, merci beaucoup. C'est Materia, pour moi, c'est un endroit que je voyais comme à tous les jours quand j'allais à l'école. Donc, de pouvoir exposer là-bas, ben c'est vraiment super. Oui, ouais, c'est pour notre bonheur aussi de voir tes pièces. Oui, puis en fait, d'entrée de jeu, en fait, Alissa, on aimerait t'inviter à nous parler davantage de ta pratique, mais aussi à nous présenter le projet d'exposition en fait que tu as préparé pour l'exposition Materia. Oui, en fait, moi, je vais commencer par, quand j'ai fini l'école, là. J'ai fini à la Maison des métiers d'art, puis c'est tombé directement pendant la période du gros confinement. Donc, pour moi, je venais juste d'avoir une bourse première ovation pour un projet d'expo qui était déjà confirmé. Puis là, je me retrouvais à pas pouvoir aller dans des ateliers. Je me trouvais comme vraiment seule avec moi-même, mais j'avais cette envie-là de créer. Tu sais, j'étais super excitée par mon projet. Puis là, j'ai comme essayé de trouver des solutions pour pouvoir quand même faire de la sculpture. Je voulais vraiment pas annuler ça. Donc, je me suis mis à faire des formes au crochet. Moi, avant, je travaillais beaucoup le métal. Donc, c'est ça, ne pouvant pas aller dans un atelier, ben faire du crochet à la maison, pour moi, c'était parfait. Je pouvais m'acheter de la laine tant que je voulais. Donc, je me suis mis à transposer ça, les formes que j'avais faites en sculpture, mais dans le crochet, avec des couleurs vraiment flash qui me faisaient du bien, qui me stimulaient encore plus. Oui. Alors, c'est ça. Ce corpus-là est né de ça, de cette envie de créer-là qui était plus forte que moi. Puis, c'est ça, en fait. Il y a des pièces qui ont déjà été présentées à Jonquière qui sont là-bas, chez Materia, mais où il y a aussi des nouvelles pièces que j'ai faites en fonderie avec un autre boost de première ovation. Merci beaucoup. combiner, en fait, le crochet et la fonderie, qui sont toutes deux des techniques que j'adore. Alors, pour moi, c'est ça. J'ai comme trouvé des façons de transposer le travail du crochet dans une technique qui est comme plus durable, qui est adaptée aux conditions extérieures. Donc, Oui, c'est intéressant parce que c'est ça, en fait, c'est ce qu'on découvre quand on entre dans la salle d'exposition. On voit un foisonnement, en fait, d'écosystèmes crochetés ou coulés en fonderie, mais qui sont, comme tu le dis, présentés en galerie, mais comme archivés aussi en photographie à titre de témoin d'installations in situ extérieures. Oui, c'est... moi, en travaillant le métal, tout de suite, je me suis dit, je veux faire des sculptures que je veux mettre dehors. Puis, je m'intéresse beaucoup aussi au grand format. Donc, pour moi, c'est sûr que ça vient résonner avec leur public. Pour moi, c'est ça, je cherchais vraiment une façon de pouvoir faire du crochet puis de présenter ça dans des espaces extérieurs. Donc... Oui, tu parlais des couleurs flash justement que tu utilisais, puis Annie et moi, en regardant l'exposition, on se demandait justement, en lien avec le discours sur la résilience végétale face à une tentative de déconstruction justement, on se demandait justement d'où te vient ce choix-là des couleurs qui sont moins... naturel, j'utilise vraiment des guillemets pour faute d'un meilleur mot, mais ce sont des couleurs justement qui sont obtenues par probablement de la teinture et tout ça. Donc, on se demandait justement d'où venait ce contraste-là, ce choix-là de couleurs plus éclatantes et moins naturelles pour représenter des formes qui sont très naturelles et organiques. Bien, en fait, Oui, c'est ça. Il y a des couleurs qui peuvent apparaître comme dans les fleurs ou même dans les champignons qui sont vraiment super flyées. Puis, à la limite, ça a quasiment l'air toxique. Tu sais, c'est quand on voit des couleurs comme des jaunes ou tu sais, qui rappellent comme le, je sais pas, le des champignons ou des coraux, comme c'est super flamboyant. Puis pour moi, ça, c'est... ça peut être issu de la nature, mais c'est comme, pour moi, c'est comme chimique. C'est comme si ces formes-là étaient pas naturelles, que c'est des formes qui sortent de mon imagination, mais tu sais, qui sont faites avec des matières synthétiques qui peuvent polluer, tu sais. Mais oui. C'est un peu une façon de produire peut-être des nouveaux objets, puis qui peuvent apparaître. Vraiment, c'est ça, comme synthétique, toxique. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de sortir un peu des couleurs plus gentilles. Neutre, d'une laine pas teintée, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, puis les œuvres qui couleurs font... tranquilles. Les œuvres qui font partie de l'exposition, en fait, tu les décris aussi comme des univers ambivalents. Mais ça nous est tout de même familier, en fait, parce que les formes nous renvoient, comme Myriam le mentionnait, comme tu mentionnais aussi, à des organismes vivants qui vont des plantes aquatiques jusqu'au tal de champignons lichénisés. Puis je pense ici, entre autres, à une œuvre qu'on a vue déposer, en fait, dans la vitrine du Centre Matériel, une sculpture crochetée qui se déploie justement un peu comme une talle de lichen aux tiges évasées, puis qui se déploie au fond comme un micro-paysage. Mm-hmm. C'est l'œuvre jaune qu'on voit en vitrine. Tout à fait. Oui, puis c'est des références qui nous invitaient à se questionner sur ton processus de recherche formelle aussi, à savoir si c'est ancré dans, par exemple, une pratique du dessin sur le motif ou dans la cueillette en nature. Comment est-ce que tu arrives à ces formes-là, en fait, en atelier? En fait, j'y vais très intuitivement, puis je m'inspire beaucoup, justement, des coraux, des champignons. Je trouve que c'est des formes qui poussent, puis qui ont comme pas de... Ils ont comme pas de programme, on dirait qu'ils s'inspirent eux-mêmes de leur milieu pour pousser d'une telle manière ou qu'ils sont influencés par d'autres formes. Alors, c'est très intuitif, puis j'y vais aussi avec les possibilités que peuvent m'offrir le crochet. Rapidement, avant qu'on termine l'entrevue, j'aimerais t'entendre un peu plus sur cette autre sculpture qu'on voit en vitrine, qui est une sculpture en métal, qui semble soudée, perforée aussi. Il y a un peu de matière, de fibres, donc avec ces gros pompons bleus, de laine bleue, mais c'est une œuvre qui est assez, qui clash pas mal avec le reste de ta pratique. Est-ce que c'est quelque chose de plus récent, ou tu parlais tantôt justement que tu travailler le métal avant le crochet, en fait? Bien, c'est une œuvre que j'avais commencé l'an passé, et puis c'était avant de faire de la fonderie, en fait, avec le crochet. Donc, c'était comme un peu une prémisse. Oui. Puis l'œuvre peut être présentée comme ça, sans les pompons de laine. Mais moi, je trouvais ça amusant, vu qu'on est à l'intérieur, de mettre des pompons comme ça, puis jouer avec, en fait. Oui, donc merci beaucoup Alissa Bilodeau d'avoir été des nôtres à l'émission. Donc encore une fois, félicitations pour ton exposition solo, je cherchais mon mot. Donc je répète les informations, l'exposition s'intitule Biome, c'est au Centre Materia et c'est jusqu'au 14 octobre. Et il y a le finissage qui se déroule demain, le 13 octobre, dès 16h30. Donc, oui. Nous, merci encore Alissa. Donc, nous, on se laisse pour une autre pause audio avec la piste Tes yeux à Barcelone. Désolée, je te parle beaucoup ce soir. Donc, toujours de l'artiste Salomé Leclerc, et au retour, on s'entretient avec notre chroniqueur Vincent Lauzin. Chercher les étoiles avant qu'il soit minuit, Barcelone. Il y a que ce jour n'était pas d'ici, mais tout résonne. On a trouvé les rêves. senti en personne. Tu te souviens de quoi? Dis-moi ce qui défile. Qu'est-ce qu'il y a quand tu fermes les yeux sur le film de nous là-bas? Ramène-moi encore le vent qui nous dessine. Il y a qu'on n'est pas revenu pour vrai, ça n'étonne pas. Le bonheur ne reprendra jamais au complet ce qu'il donne. Tes yeux à Barcelone ont voyé qu'on n'était pas juste un coup de crayon carbone. Il y a un an sur la plage, il y a des ombres qui s'allongent. Tu te souviens de quoi? Dis-moi ce qui défile. Qu'est-ce qu'il y a quand tu fermes les yeux sur le film de nous là-bas? Ramène-moi encore le vent qui nous déchire. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, accompagnée de ma co-animatrice Annie Charland-Thibaudeau, et on a un tout nouveau chroniqueur avec nous, Vincent Lauzé. Bonsoir. Bonsoir. Donc Vincent, t'es allé voir l'exposition État d'esprit de Tania Girard-Savoie, présentée à la Galerie Michel Guimond depuis le 25 septembre. Ça se termine au courant de la semaine, le 17 octobre. Donc qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur cette belle exposition-là? Honnêtement, tu viens de la décrire, vraiment. C'est une belle exposition. Moi, je connaissais vraiment pas l'artiste au départ. Je la connaissais vraiment aucunement. Puis, j'ai découvert une artiste que je vais certainement suivre dans le futur, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que l'exposition est divisée en deux parties. Donc, c'est deux séries différentes dont l'artiste nous présente, en fait. Donc, la première s'appelle Esprit combatif et la deuxième Fantomatique. La première, Esprit combatif, en fait, on dénote beaucoup de couleurs vives, puis aussi un grand mouvement du corps qui était projeté sur le support en tant que tel. Puis ça, c'est l'artiste elle-même qui dit que ça fait appel au corps, puis un grand déploiement d'énergie, comme si elle avait besoin de se libérer de quelque chose, parce que on vit actuellement une période difficile pour chacun, puis on dirait que juste extérioriser ça, ça lui a fait du bien. Puis c'est ça qu'elle a dit, en fait, aussi dans son entrevue dans le journal Le Soleil. Parce que après ça, je suis allé me documenter un petit peu. Je suis allé voir c'était qui cet artiste-là, qu'est-ce qu'elle avait fait avant et tout. Puis c'est pour ça que je suis un petit peu tombé en amour avec son art. Là. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'art abstrait, plus que l'art figuratif. Mais je vais vous en parler. J'ai fait un petit jeu ludique, pareil, quand je suis allé à la galerie en fin de semaine, par rapport à la figuration. Puis c'est ça qui amène vraiment le nom de la série, je pense, Esprit combatif, comme si elle se battait complètement avec ses œuvres pour donner de quoi Et c'est ça. Puis, en plus, elle dit qu'il était un petit peu laissé en retrait, les artistes un petit peu effacés, ce qui apporte vraiment à sa deuxième série fantomatique, que c'est carrément des taches, on dirait, qui laissent vraiment un souci de transparence et de quasiment d'effacement, comme si les artistes avaient été effacés vraiment dernièrement, surtout depuis dans les derniers mois, en fait. Oui, les grands oubliés de la pandémie, ben il y en a eu plusieurs malheureusement là dans la société en général, mais oui, les artistes ont été une communauté très touchée là par les impacts de la pandémie. Oui, exactement. Puis en plus, elle, si j'ai bien compris, je suis pas sûr à 100%, mais si j'ai bien compris, elle était en résidence à la Méduse lorsque la pandémie a éclaté. Ouais, la Méduse, exactement. C'était dans les grands centres artistiques à Québec. Chez Engram, qu'elle était en résidence, justement, elle a pu utiliser beaucoup de différents médiums, des encres qu'elle avait jamais utilisées. Aussi, là, c'est quelque chose dont elle parle justement dans l'article du Soleil que tu mentionnais. Oui, c'est ça, un encre de soya écologique et non nocif, là, que oui, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, elle retournait à son atelier, puis on s'est vraiment concentré sur elle-même. Puis c'est comme une espèce de choses qu'on voit aussi dans son dans ces deux séries-là. C'est vraiment particulier. J'avais jamais vu ce genre d'œuvre-là. Puis moi, je me suis vraiment mis 5 minutes directement devant une œuvre et j'essayais de voir quelque chose. Dans le sens que je faisais un petit jeu ludique où est-ce que, un petit peu comme le test de Rorschach, où est-ce qu'on a carrément une tâche devant nous puis on essaye d'imaginer quelque chose. T'sais, j'ai vu des bactéries au microscope, j'ai vu une tête de cheval. Écoutez, je me suis imaginé plein de choses. Puis c'est ça que je trouve qui est plaisant aussi à faire dans une exposition, parce que c'est pas justement ce que l'artiste a nécessairement voulu montrer, mais c'est quelque chose que moi je peux percevoir. Je suis quelqu'un qui adore vraiment donner vraiment ma propre opinion, me faire la propre opinion de ce que je vois avant de me documenter sur quelque chose. Puis le fait que Tania Girard-Savoie, je la connaissais pas du tout, je pense que ça l'a aidé à ce que mon expérience soit mieux à la galerie, justement, là. Puis aussi, je sais que dans le passé, elle a déjà fait, en 2019 et en 2016, elle a été présente à cette galerie-là, puis elle a exposé. Puis c'est le même genre d'œuvre, en fait, le même genre de support, même genre de méthode de travail. Et c'est ça, comme j'ai dit, c'est vraiment une artiste que j'ai découvert, puis que c'est sûr à 100% que dès qu'il y a une nouvelle exposition qui va venir à Québec, je vais retourner la voir, là. J'ai vraiment aimé ça, puis elle exposait un petit peu partout dans le monde. J'avais vu qu'elle était allée en Écosse, elle était allée un petit peu partout au Canada, elle exposait en Montréal aussi. Donc, c'est ça. Puis, savoir aussi qu'elle a fait ses études à l'Université Laval, puis qui est maintenant chargée de cours. Ça fait en sorte que, tu sais, une fille de Québec, c'est plaisant d'avoir ça dans une belle galerie comme celle de Michel Guimond, justement. Oui, puis en fait, c'est intéressant quand tu mentionnes l'équivocité dans les œuvres de Tania Girard-Savoie, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans cette série-là, toi, dans tes déambulations dans l'espace, quels échos tu te voyais se tisser entre ces formes-là aussi dans l'espace, parce que c'est une pratique où la forme répétée de l'ovale, ça devient en quelque sorte un peu comme des orbes. Il y a un mouvement là, qui se crée dans l'espace d'exposition aussi à travers les déambulations. Ben c'est sûr. Puis en plus, quand on regarde une œuvre, on trouve tout le temps quelque chose qui pourrait rattacher à celle qu'on a vue juste avant. Puis ça fait en sorte qu'il y a une espèce de forme d'unicité dans l'exposition. Même si c'est deux séries différentes, on sent vraiment que ça a été fait sur le même genre de but, en fait, d'extérioriser quelque chose qui était important pour l'artiste. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié chez Girard-Savoie. Puis, honnêtement aussi, le fait qu'on dise que c'est quelque chose qui demandait vraiment beaucoup d'énergie, c'est surtout esprit combatif, moi, que j'ai préféré personnellement. J'ai moins aimé Fantomatique. Ben, moins aimé. J'ai aimé ça pareil, mais j'ai un petit peu moins aimé ça par les couleurs moins vives, un petit peu plus ocre, ça m'appelait moins. Mais c'est aussi le fait, vraiment, le mouvement qu'on voyait, la dynamique des formes, justement, de l'ovale, des formes organiques, tu sais, c'était pas géométrique, c'était vraiment comme un automatisme, vraiment, de l'artiste, de faire des œuvres comme ça. Et moi, j'ai vraiment trippé pour elle, là, j'ai vraiment trippé à faire cet exercice-là. Puis comme j'ai dit, tu sais, moi, je l'invite à le faire, tu sais, il reste encore un petit peu moins qu'une semaine à l'exposition, puis j'invite tous ceux qui sont pas encore allés la voir de juste aller faire le même exercice que j'ai fait, se mettre devant une œuvre, puis juste d'essayer de s'imaginer quelque chose, sans nécessairement passer très longtemps devant l'œuvre, juste essayer de voir quelque chose. Ça apporte une nouvelle expérience, je pense, en tant que de spectateur, parce qu'on joue, en tant que spectateur, on joue un rôle différent que l'artiste. L'artiste nous présente quelque chose, puis nous, en tant que spectateur, on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec ce qu'on voit. Puis c'est ça que je trouve beau aussi de tout ce qui est art non figuratif, donc l'art abstrait, là. Surtout, c'était le genre de technique que j'avais pas vraiment vu auparavant. Le fait aussi que ça soit un petit peu transparent aussi, j'ai quand même aimé ça. Puis c'est ça, tu sais, juste voir après ça, par la suite, que ce que j'avais vu, ben, tu sais, c'était pas exactement ça, mais tu sais, j'avais vraiment vu des mouvements, j'avais vu des formes organiques, puis vraiment comme si le corps se laissait aller complètement sur la toile. Donc, c'est ça, c'était vraiment une exposition à voir vraiment dans notre chouette ville de Québec. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Vincent Lozé, pour ta chronique sur l'exposition « État d'esprit » de Tania Girard-Savoie, qui est présentée à la Galerie Michel Guimond depuis le 25 septembre dernier, et il nous reste jusqu'au 17 octobre pour aller la voir. Donc, amusez-vous justement avec toutes ces formes différentes, ces couleurs différentes. Essayez de voir qu'est-ce qui appartient à l'une série puis à l'autre, parce qu'il y a quand même des différences formelles entre les deux qu'on peut identifier. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Vincent Lozé. Nous, on se laisse pour une courte pause publicitaire et au retour de cette pause, on s'entretient avec Boris Duménil-Poulain à propos de son projet Téléchevreuil qui est présenté à Regard. J'étais sur mon chemin pour aller jouer dans le métro. Je me dis c'est une bonne journée pour payer le bill d'hydro. J'suis comme en retard sur le loyer. Puis ben, y'a pas grand chose dans le garde-manger. Le monsieur, l'agent, l'air un peu frais. Il me dit t'as-tu ton permis, ça c'est à tes frais. J'ai dit bah non, t'as vu pourquoi j'suis là. Il me dit ça prend de l'argent, sinon tu t'en vas. T'es un peu trop pauvre. CKRL. Dans le cadre de sa planification stratégique, CKRL aimerait vous solliciter afin de mieux connaître vos habitudes d'écoute et leur prédominance. Remplissez notre sondage au site ckrl.qc.ca avant le 17 octobre à minuit. Un chèque cadeau de 50$ au restaurant Le Pied Bleu ou un chèque cadeau de 25$ au restaurant Niki Sushi seront remis à deux personnes ayant complété le sondage. Les tirages au hasard seront réalisés au terme du sondage par la firme indépendante Le Groupe Dancause. Vos réponses resteront anonymes. CKRL, c'est votre radio. Votre opinion est importante pour nous. La leçon de Ionesco. Drame en un seul acte, dans une mise en scène d'Olivier Artaud. Hey, Laurent, Thomas. Du 12 au 17 octobre, on joue notre première production comme finissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Les dates sont complètes, mais... Suite à l'annonce de l'assouplissement des mesures sanitaires dans les théâtres, il se pourrait qu'on ait des bonnes nouvelles. Surveillez notre page Facebook ou notre nouveau site internet pour acheter vos billets. conservatoire.gouv.qc.ca. Vive le théâtre! Le samedi 18 octobre, au Musée de la Civilisation, dans le cadre de la saison Québec-Pays Basque, le Festival Québec en toutes lettres vous invite à la découverte des arts littéraires de cette nation. Des échanges et des performances vous feront voyager le temps d'une soirée. Réservation québecentoutelettres.qc.ca. Bon festival! Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, toujours accompagnée de ma douce co-animatrice Annie Charland-Thibaudeau qui manie la console de main de maître ce soir. Disons-le, pour une première fois, ça se passe plutôt bien. Et de l'autre côté de l'écran, on a l'artiste Boris Duménil-Poulin. Bonsoir, Boris. Bonsoir. Donc, Boris, on avait envie de te recevoir ce soir pour parler de ton projet Téléchevreuil, qui est présenté par le Centre Regard dans le cadre de leur programmation décroissance. Oui, puis en fait, c'est une œuvre qui va être présentée en deux temps. Donc, dans un premier temps, elle sera logée sur le site du Centre Regard pour une durée d'un an. Puis dans un deuxième temps, c'est un projet qui sera diffusé à même le Centre d'artistes dans le cadre d'une exposition individuelle. Donc, je pense qu'on aimerait t'entendre sur le projet en soi, mais aussi sur la façon dont il s'inscrit en réponse à l'orientation artistique du Centre de Regard. Alors, le projet Téléchevreuil, bien, c'est une œuvre vidéo web qui est autogénérative. Et qui finalement, c'est deux choses finalement, une station de télévision qu'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, à la maison ou quand on a juste envie de passer un moment très long à observer et se détendre. Et d'un autre côté, c'est une banque de séquences qui sont filmées, que je filme depuis des mois. Oui, c'est un projet de longue haleine quand même. Oui, tout à fait. Puis c'est un projet qui va se poursuivre aussi longtemps que possible. puis en fait, donc, c'est une série d'images animées, ralenties ou même immobiles, tirées de voyages récents, puis de tournages que je vais faire en milieu naturel, où simplement je pose la caméra devant un beau paysage ou un endroit intriguant ou un endroit qui a une particularité et un potentiel de on va dire, surgissement, que quelque chose peut arriver. Et là, je vais laisser la caméra rouler. Et moi, je vais être à côté, puis je vais observer le reste du décor en passant ce temps-là avec cet endroit-là, finalement. Puis donc, ce qui va être présenté ensuite dans le site de Regard, puis dans l'exposition, c'est une espèce de un montage de ces images-là, une après l'autre, selon la durée du jour, selon l'heure, selon toutes sortes de paramètres, finalement, qui sont programmés dans le site web. Puis, ça crée un moment, donc, où on est absorbé dans quelque part et on regarde le temps passer à la vitesse naturelle, 100%, un pour un. Puis, donc, ça s'inscrit dans la thématique de Regard de la décroissance parce que il y a un projet qui est vraiment tourné vers prendre le temps de juste regarder quelque chose. On est souvent bombardé d'images qu'on a à peine le temps de voir. On passe d'une chose à l'autre très rapidement. Puis moi, je voulais quelque chose qui fait juste inviter à s'asseoir puis regarder puis se laisser en quelque sorte immerger dans un endroit. C'est un peu, des fois j'aime ça appeler ça des sortes de téléportation où on est amené quelque part. Puis comme c'est toute la durée, souvent ça va être des 15, 20 minutes, 30 minutes, mais comme c'est un 30 minutes quelque part, sans loop ou sans trucage d'aucune sorte, ben on finit par juste observer un peu l'aléatoire du monde, le milieu naturel qui est un peu foisonnant. Puis invariablement, il y a quelque chose qui finit par se passer dans l'image, que ça soit animal, humain ou juste un phénomène météo. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est ça que je trouvais intéressant, en fait, c'est que le fait de capter ce dont on est témoin par l'entremise d'une caméra ou d'un appareil photo, ça nous permet pas nécessairement de reconduire ou d'offrir dans toute son intégralité à l'auditoire ce qu'on a vécu, nous, l'ensemble de notre expérience, mais l'imprévisibilité qui est inhérente à la forme de ton projet, ça vient se joindre au sujet pour faire, à mon avis, brillamment écho à l'occurrence de phénomènes naturels. Parce qu'en s'intonisant, en fait, ce que j'en comprends, en s'intonisant Téléchevreuil, qui joue dans un flou indéchiffrable pour l'auditoire, contrôlé par un programme numérique, à ce moment-là, on est témoin, comme tu le mentionnais, là, d'apparitions hasardeuses dans le champ fixe de l'image. Donc, à ce moment-là, peut arriver un vol d'oiseau, un lever de soleil, ou même on peut même voir l'artiste apparaître dans le champ, parce que toi, t'es pas nécessairement toujours fixé derrière la caméra, tu vas être en déplacement. Toi aussi, tu profites de cet espace-là. C'est pas quelque chose que tu vis à travers ton objectif. Exact. Ben, j'en profite pour me promener autour, finalement, mm-hmm. puis découvrir un peu plus ce qui est caché à l'œil de la caméra, mais il y a une partie que moi, je n'arriverai pas à voir parce que, bon, la caméra, elle regarde toujours au même endroit, là, cet œil fixe. Là. C'est fascinant quand même qu'on ait cette possibilité-là. Mm-hmm. Puis en fait, c'est un peu... Moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est comme un peu des feuilletons ou des épisodes. Puis l'épisode qui joue en ce moment, ben, c'est ce lac où il y a peut-être une grue qui va passer. Ou c'est cette montagne où il va peut-être neiger à un moment donné. Ou c'était ce chemin où peut-être qu'on va me voir traverser le chemin à un moment donné. Puis il y a quelque chose une volonté d'être un peu dans le performatif, d'être dans cet endroit-là, de le vivre à 100%, de le vivre dans toute sa durée, mais sans tomber non plus dans quelque chose. Donc il y a quelque chose de cinématographique, mais il y a quelque chose qui est comme acinématographique, là, qui est juste du naturel finalement. Justement, tu parles de cette notion-là de feuilleton ou d'épisode de quelque chose. Puis, je me demande comment tu vois la narrativité dans ton œuvre, parce que dans le communiqué de presse, par exemple, justement, tu mentionnes que il y a des récits qui se créent dans ces petits extraits-là. Donc, je me demandais, est-ce que la narrativité occupe une place importante dans ta pratique ou t'essaies d'aller vraiment plus vers l'aléatoire? Est-ce que pour toi, ce sont deux choses opposées, en fait? Non, c'est pas des choses opposées. Je pense que ça dépend du dispositif qu'on met en place, finalement. Puis moi, une façon que je le définis, que j'aime bien, c'est de dire, ben finalement, dans Téléchevreuil, il y en a de l'action, mais il y a beaucoup, beaucoup de temps avant, puis il y a beaucoup, beaucoup de temps après. Donc, il faut être là au bon moment pour voir, finalement, le petit élément de narration qui se passe, puis qui est souvent non humain, ou même non animal, qui est comme un élément naturel qui est juste là, puis qui prend toute la place, finalement, de cette histoire-là. Mais des fois, comme c'est moi qui filme et comme c'est moi qui apparaît à tour de rôle dans différentes images, ben on se demande un peu peut-être qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qui se passe ou il est déjà allé là, il y a un endroit qu'on voit. Et des fois, je vais retourner filmer les mêmes endroits à un autre temps du jour pour avoir une autre atmosphère finalement. Donc, mais la part de hasard est très importante parce que c'est comme si je mettais en place un œil qui pouvait saisir une espèce de surgissement narratif naturel, tu sais, que finalement, il y a des choses qui finissent par se passer quand je mets la caméra, puis il y a un oiseau qui va passer en plein milieu de l'image, comme s'il savait que c'était son moment. Mais c'est ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, pour ma part, je sais que c'est la même chose pour plein d'autres personnes. Je sais pas combien de fois j'ai essayé de calculer puis d'attraper des phénomènes naturels en me référant à des fiches, à des cartes, puis tout ça. Puis où je suis pas arrivée du tout, puis combien de fois ces phénomènes-là me sont apparus par pur hasard. Puis un peu de ça, en fait, moi, que j'entends dans ce que tu décris aussi, dans ce qu'est Téléchevreuil, c'est un peu comme une invitation à contempler puis à se garder ouvert aussi là aux occurrences aussi délicates qu'elles soient, parce qu'en prenant le temps puis en ralentissant, à ce moment-là, la délicatesse, elle nous apparaît de façon plus claire. Oui, exactement. Puis C'est tramé subtilement dans l'univers, ces petites choses-là. Je ne sais même pas comment... Un exemple viendrait un peu être trop frappant, là, mais juste des petites branches qui bougent dans le vent ou un animal qui se glisse dans l'image. C'est presque rien. Là, ou même juste... Moi, j'ai toujours une fascination pour les répétitions naturelles, comme une rivière. Une rivière, c'est jamais pareil, mais c'est toujours pareil. Puis on peut la regarder pendant des heures et des heures. Puis on se lasse pas d'être hypnotisé par ce mouvement qui est toujours changeant, puis qui contient toujours la promesse qu'il va finir par arriver quelque chose. Il va y avoir un canard qui va passer ou que sais-je, là, une espèce de surprise là, naturelle. Non, ouais. C'est vrai. Puis en fait, je trouvais ça intéressant parce que ça me faisait penser à... Claire Colebrook qui avait écrit sur le concept de temps-image selon Deleuze, puis elle parlait du fait que le monde c'est pas une chose dans lequel le temps s'écoule, mais que c'est plutôt des flux temporels qui génèrent des mondes qu'ensuite on perçoit, y compris le monde inhumain des animaux puis des plantes. Puis pour moi, de jouer avec cette lenteur-là ou même avec le ralentissement léger là, des images qui sont captées, ça a cette capacité-là de nous ouvrir à différentes temporalités puis de nous présenter un concept familier comme l'expérience du paysage ou comme des paysages québécois qu'on peut connaître bien, qui ont un fort écho chez nous, un lac, une rivière, une forêt. Mais là, à ce moment-là, ils nous sont présentés à travers un prisme différent. Bien, moi, ça me fascine à quel point on a une facilité à se laisser, à tomber en immersion devant l'image projetée, l'image télévisuelle, si on veut. Puis, j'ai toujours cette volonté un peu artistique de me dire comment est-ce que je pourrais devenir la chose que je regarde. Donc, je me dis, en mettant 20 minutes d'une rivière, peut-être qu'à un moment donné, on transfère dans l'image un peu inconsciemment ou par l'imaginaire, puis on devient ce flot continu de d'eau puis de matière qui a sa réalité bien à elle, puis son individualité finalement. C'est ça, il y a quelque chose de très méditatif dans cette pratique-là, justement, qui s'inspire de la slow TV, un peu de... presque comme on essaierait de léviter en s'imaginant léviter. Plus on s'imagine être la rivière, plus on s'en rapproche, justement. Oui, tout à fait. Puis en fait, ça s'en vient tout bientôt, là, la mise en ligne du projet qui est sur le site de Regards, c'est dans quelques jours seulement, c'est le 15 octobre que ce sera mis en ligne, puis pour une durée d'un an. Oui, tout à fait. Puis pour cette durée d'un an, je vais venir alimenter, je vais venir nourrir le chevreuil de nouvelles séquences vidéo. Oui, ben forcément, c'est vivant, oui. Téléchevreuil. Et donc, changer le contenu pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à regarder sur Téléchevreuil. Donc, c'est ça le côté excitant. Oui, en effet, très excitant. On a hâte à cette mise en ligne pour pouvoir regarder ça. Ça va remplacer pour bien des personnes, je crois, le fameux feu de foyer sur Netflix ou sur YouTube. Ça va être nettement plus intéressant. Donc, il y aura aussi une exposition en galerie, donc au Centre Regard, à partir du 5 novembre et jusqu'au 3 décembre. Donc, merci beaucoup, Boris Duménil-Poulin, d'avoir été avec nous pour cette belle entrevue, nous avoir merci parlé de ton projet Téléchevreuil. Nous, on se laisse pour une pause audio, toujours de Salomé Leclerc. On écoute la piste où on s'est trouvé. Et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. Que j'avais besoin de toi, que j'avais besoin de toi. J'ai pensé pleurer, mais j'ai pas fait ça. Avant de t'écrire, avant de t'écrire, Bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland toujours au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau, qui maîtrise la console de main de maître ce de soir. Mieux en mieux. Donc, cette semaine, c'est déjà l'agenda de la semaine, comme on fait toujours à la fin de l'émission. Donc, cette semaine, on en parlait juste avant la pause audio, c'est la mise en ligne du projet Téléchevreuil de Boris Duménil-Poulain. Vraiment super agréable entrevue avec Boris. On a vraiment hâte de voir ce projet-là se dérouler sur un an, parce que ce sera en ligne pendant un an. Puis, il va y avoir une diffusion en galerie aussi du 5 novembre au 3 décembre et ça se fera sur le site web et en galerie chez Regard. Et également, à compter du 18 octobre et jusqu'au 12 novembre, vous pouvez voir l'exposition d'Anne-Marie Groux qui s'appelle « Système joint objet masse » et c'est présenté à l'espace parenthèse du Cégep Sainte-Foy. Oui, et finalement, dernière semaine pour voir l'exposition « Débris cosmiques, un récit sur l'univers » de Danny Massicotte, présenté aux ateliers de la maîtrise au 336 rue Sainte-Hélène. Donc, c'est jusqu'au 17 octobre. C'était une très courte exposition. Je suis allée la voir personnellement au vernissage de la semaine dernière parce qu'on avait reçu Dani en entrevue à l'émission de la semaine dernière aussi. Et ça vaut vraiment la peine d'aller la voir, de prendre le temps d'observer. Il y a un écran quand on rentre qui... je ne vendrai pas de punch, là, mais observer vraiment qu'est-ce qu'on voit sur l'écran, puis qu'est-ce qui se retrouve aussi derrière cette simèse-là avec un écran et comment les mécanismes fonctionnent ensemble, c'est vraiment ultra intéressant comme exposition. Donc, je répète, jusqu'au 17 octobre aux ateliers de la maîtrise au 336 rue Sainte-Hélène. Et c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Donc, comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion et c'est sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Donc, un grand merci à nos invités, Alissa Bilodeau et Boris Duménil-Poulain, ainsi qu'à notre chroniqueur de la semaine, Vincent Lauzé. Donc, nous, on se laisse sur une dernière piste de l'album « Mille ouvrages, mon cœur » de Salomé Leclerc et on se dit déjà à la semaine prochaine! Je serai libre chaque printemps pouvoir te dire comment ça se passe par ici, comment la vie maintenant te retient à l'abri. Je serai libre chaque printemps pour te le dire. Souvent je reviens par ici et je reste assez longtemps jusqu'au bord de la nuit. Je serai libre chaque printemps. Le vent dessine, j'en fais autant, mille et un signes qui passent et repassent par ici, dans le ciel au bout d'un rang, quelque chose de lui. Le vent devine chaque printemps, chaque sourire. Brûlant, le soleil est sorti dans la forêt, doucement retrouver son ami. Le vent devine chaque printemps. Je serai libre chaque printemps. Pour pour te redire comment je ne t'oublierai, que le souvenir est si grand et doux comme l'été. Je serai libre toute l'année. Encore la robe de petite fille, toute belle et toute blanche, avec tes yeux noirs qui pétillent. C'est ta pupille qui est trop lucide, qui s'est avalée l'alentour. Manger tout rond, jusqu'à s'en démancher l'amour. Petite misère, avec tes bâtons dans l'horizon, tu danses sur des temps boiteux, le grand ballet de la dernière chance. Perdu dans les brumes du monde, avec la marque sur tes poignets. Petite misère, t'auras longé ta ligne de vie. De jour, c'est-tu tes yeux qui brillent autant, ou ben tes larmes qui se toujours. Tu dis que c'est l'avenir qui retarde, et puis t'es belle comme une madeleine. Il faut se souvenir, y a un bout de vie. Prisonnière d'inespérance, puis des pleurs pour les bonnes raisons, on va te trouver flambant nu, un cocon en laine de douleur, le papillon de la fin de tes jours. Petite misère, avec deux ailes blanches qui frétillent. La la la la la. Ce soir, les mercenaires du diable ont rafalé sur les tables ces pantins noirs au Carthagon, vident leur néon sous les néons. Yesterday, c'était bien vendredi 13. Yesterday, c'est en novembre. On crève. sur ma guitare, beaucoup de corps sur le boulevard. Bataclan et l'hymne à l'amour, ce sera pour un autre jour. Yesterday, du sang noir sur du velours. Yesterday, je cherche encore. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez ma chanson Le ciel est en place. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le mercredi 20 octobre, le Festival Québec en toutes lettres vous invite dans les corridors souterrains de l'Université Laval pour participer à un parcours qui promet extravagance et sensualité. Le sol s'ouvrira à moi, une douzaine d'artistes de la relève, une immersion poétique unique. Billets, québecentoutelettres.qc.ca. Bon festival! CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Engramme, table de quartier L'Engrenage Saint-Roch, la Maison des femmes de Québec, Épilepsie, section de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles aura lieu du 18 au 24 octobre. Participez en grand nombre aux activités organisées dans votre région en consultant le calendrier à québec.ca/rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec.